On a tous été un peu stupéfaits la semaine passée lorsque un sondage de l'Association des joueurs mettait Carey Price comme étant le gardien le plus difficile à déjouer. Pas juste le gardien le plus difficile, mais c'est l'écart également qui a fait en sorte que qu'on s'est posé des sérieuses questions. Et j'ai décidé d'appeler un spécialiste des gardiens de but. Vous pouvez lire sa chronique des gardiens de but tous les mardis dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Également, c'est l'ancien rédacteur de la revue Goalies World, Gilles Moffett, pour parler un peu de Carey Price. Bon après-midi, Monsieur Moffett. Bonjour. Monsieur Moffett, si on parlait un peu de Carey Price, avez-vous été surpris de voir ce sondage-là? Oui, un peu, là. Il manquait peut-être juste une date. Parce qu'on l'a tous vu jouer cette année, puis il n'y a pas eu, on s'entend qu'il n'y a pas eu une grande saison, mais aussi, c'est un sondage qui était fait en début d'année. Mais on connaît la réputation de Carey Price, il a quand même un passé, là, assez éloquent. Donc, c'est pas surprenant dans un sens que le nom de Carey Price vient en premier dans la tête des joueurs. Là, puis je pense pas qu'ils se cassent la tête très, très longtemps à savoir qui est le meilleur. Price, on le voit avec l'équipe Canada, tout ça. Puis ce qui est étonnant dans ce sondage-là aussi, c'est ben étonnant, oui et non, c'est que tu sais, on les noms qui suivent beaucoup plus loin, de Jonathan Quick, de Opie, de Bobrovsky. Mais les jeunes gardiens, aucun jeune gardien, là, comme Vasilevski connaît une très très bonne saison, Connor Hellebuyck à Winnipeg. Alors, on voit que c'est un sondage en début de saison, puis que c'est les noms des vétérans. Alors, les nouveaux qui s'affirment, ben évidemment, ben ça va être probablement l'année prochaine que leur nom va sortir un peu plus, mais c'est normal que la réputation à long terme de Price fait partie des meilleurs gardiens de but. Là, faut juger sur l'ensemble de sa carrière et des récentes saisons et non sur la saison actuelle, là, mais c'est certain que cette année, c'est pas lui qui est le meilleur. Il n'y a aucun doute. Hey, c'est incroyable. Mais quand on dit que c'est avec l'équipe Canada, là, Stéphane Lebeau me disait la semaine passée qu'il surfe sur une réputation qui s'est faite avec l'équipe Canada. Sauf qu'avec l'équipe Canada, il y avait toute qu'une défensive. Contons-nous pas d'histoire. Oui, mais il a fait le travail aussi. Il était. Si on part au championnat du monde l'an dernier, puis il revenait avec quand même de blessures qu'il avait écarté pratiquement toute la saison du jeu. Là. Il a fait du très, très bon travail. On peut rien lui reprocher. Puis il y a eu un début de saison exceptionnel après ça avec les Canadiens. Il y a juste vraiment au mois de janvier l'an dernier là, ça a foiré un petit peu. Là, mais ça a fini par coûter le poste à Michel Therrien. Mais tu on peut pas y reprocher grand-chose pour l'année précédente. Cette année, oui. Mais là, c'est certain qu'il faut qu'il rebondisse. Là. Il ne peut pas rester comme ça. Puis, ce qui est étonnant un peu dans le cas de Price, c'est que c'est pas juste une saison ordinaire, là. C'est vraiment une mauvaise saison. Là. Des fois, les bons gardiens de but, ils sont pas toujours à leur meilleur. Puis ça, c'est sûr qu'ici, on a toujours l'œil du Canadien tout le temps. Là. On voit toujours ça. On les voit toujours, le gardien du Canadien toujours en vue, tout ça. Mais, les autres bons gardiens de but ailleurs aussi ils ont des mauvaises séquences. Là, O.B. Washington, puis Bobrovsky en série, ça n'a pas été extraordinaire. Tu sais, Jonathan Quick, il y a des moments plus difficiles aussi. Ils ont tous des hauts et des bas, là, tous les gardiens de but. Mais ce que je reviens, c'est ça qui est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une très mauvaise saison de Carey Price. Est-ce que vous auriez donné le contrat de 8 ans que Marc Bergevin lui a donné? Ben moi, premièrement, là, personnellement, c'est facile de dire ça quand on n'est pas directeur général, mais jamais je n'aurai un contrat de plus de 5 ans à un athlète. Okay. Il y a trop d'impondérables. Même 5 ans, c'est long. Tu sais jamais ce qui va arriver à un athlète au niveau physique. Il peut avoir des blessures, il peut avoir plein de facteurs qui font qu'un athlète, comment un athlète va être dans 5 ans, on ne sait pas. Mais je comprends que les directeurs ont de la pression. Bergevin n'avait pas le choix de destiner Carey Price à long terme. Donc, dans le hockey moderne, c'est ça. Les joueurs consistent, ben, tout ce qu'on verra, c'est la tendance, c'est comme ça. C'est facile pour des gens de dire qu'on devrait pas, mais on lui a donné. La seule chose que je me posais comme question, c'est au niveau physique. J'imagine que si on veut donner ce contrat-là, la bonne nouvelle, c'est je pense qu'au niveau physique, on craignait un peu, il n'y a pas de chose à craindre à long terme. Là. Non, on n'aurait pas donné contrat de cette durée-là à Carey Price. Alors, Puis moi, ben écoute, c'est un gardien dans la trentaine. Je regarde les gardiens de but dans la trentaine. Moi, ce que je m'attends, c'est que Carey Price, le reste de sa carrière, donc cette prochaine saison, je m'attends peut-être à une, deux saisons vraiment très, très bonnes. Puis, peut-être deux autres, des bonnes saisons, puis peut-être une, deux saisons plus ordinaires. Mais les gardiens dans la trentaine, c'est ça. C'est des hauts et des bas, mais pas des bas comme cette année. Là. Ça serait inacceptable dans le cas de Carey Price. Donc, je m'attends de quand même bonne fin de carrière de Carey Price. Il va avoir encore des bons moments. Ça, j'en suis convaincu. Est-ce que, je vous dis, moi, êtes-vous d'accord avec moi qu'un gardien comme Carey Price à 8 millions, c'est sûr que dans 5-6 ans, ça va être un bon contrat. Ben, peut-être, ça va dépendre aussi de son état de santé, évidemment. Là, c'est tout va dicter, évidemment, son état de santé va dicter si c'est un bon contrat ou pas. Mais est-ce que, êtes-vous d'accord avec moi qu'un gardien comme Carey Price payé à 8 millions de dollars, se doit de faire passer des défenseurs ordinaires pour y réparer les erreurs. Tu sais, on dit tout le temps que le Canadien n'a pas de défensive. C'est un gardien de but de concession, Carey Price. Ben, si t'es un gardien de but de concession, tes défenseurs, tu dois les faire passer de ordinaire à exact. Moi, je prends exemple. Un gars comme Dominique Hachek, jamais, tu sais, ce gars-là pouvait amener n'importe quelle équipe en série éliminatoire. Je pense que Price est pas de même s'il y a eu des saisons très, très fortes, là, je pense que c'est pas un gardien de la trame de Dominique Hachek sur le long terme, là, peut-être dans une saison ou deux. Donc, puis effectivement, le joueur le mieux payé, c'est lui qui est supposé faire la différence. Il n'est pas supposé suivre les autres. Les autres sont supposés le suivre. Mmh. Alors, puis même on regarde, Niemi fait mieux que lui présentement. Même Lindgren a eu quand même des bons moments là quand il l'a remplacé là au mois de novembre, tout ça. Alors, je suis 100% d'accord que Carey Price, c'est lui qui doit être le leader. Là, c'est le joueur de la concession. Donc, c'est à lui de faire ses preuves. Maintenant, est-ce qu'un gardien de 10 millions dans le hockey d'aujourd'hui, il y a tellement de bons gardiens de but, des fois des jeunes qui sont des jeunes athlètes, là, à peu près dans tous les sports qui sont nés, là, fin des années 90, début 2000, là. On dirait que c'est une nouvelle catégorie d'athlètes. Puis, ils sont très forts physiquement, plus explosifs. Ça fait que quand c'est un contrat de 10-15 millions, ben pas 15, là, mais 10-12 millions, si le plafond salarial monte pas trop, ben à un moment donné, ça devient boulet, c'est certain pour dans l'échelle salariale de l'équipe. T'sais, dans le hockey d'aujourd'hui, là, si tu peux avoir un bon gardien de but à 5 millions, il est pas tellement pire que le gardien de but à 10 millions, là, tu sais. Mmh. Fait que là, ça te laisse une marge de manœuvre pour avoir vraiment un joueur franchi. Mais c'est toujours le problème des joueurs étoiles. Tu sais, de Connor McDavid de Edmonton à 13 millions, ben écoute, ça sont contents de l'avoir, mais à quelque part, ça complique la tâche du directeur général pour bien compléter. C'est là qu'on voit que les Blackhawks de Chicago, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait pendant quelques années là, à faire rouler le personnel quand t'as des gars comme Taze et Kane qui font 11 millions chacun, puis Brooke, puis Keith, puis Crawford. Les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh, c'est la même affaire. Les Penguins de Pittsburgh, même chose aussi. Alors, oui. C'est ça. OK. Dites-moi, est-ce que, du coup, la réputation de Carey Price, c'est-tu parce qu'il joue à Montréal? Beaucoup de journalistes. Ben, ça, c'est sûr que quand tu joues dans un marché comme Montréal ou Toronto, c'est toujours plus médiatisé. Puis New York, Rangers, c'est peut-être les gros marchés, c'est certain que ça joue, ça a un effet sur la réputation, ça c'est clair. C'est pas comme jouer à Saint-Louis ou jouer à Buffalo. Tu m'entends parler tout le temps de Montréal et de Toronto, les médias sont omniprésents. Dans le Canada anglais, TSN, on dit le Toronto Sports Network. Ben oui, c'est ça. C'est un peu une blague dans le Canada anglais, mais c'est ça, là. Alors, Montréal, c'est le gros marché. Toronto, c'est le gros marché. Puis, Vancouver aussi, d'une certaine façon. Tu sais, t'as un gardien de but comme NT Rata qui joue en Arizona. Oui. Personne ne parle de lui. Ben là, c'est sûr que lui, il est en train, présentement, il connaît des bons moments. L'équipe est éliminée. Ouais. On peut pas dire que c'est un gardien vraiment établi comme un gardien numéro un. Ouais. Mais c'est certain, là, présentement, il joue bien, mais avec absolument aucune pression. Ils n'ont rien à perdre, rien à gagner, eux autres. Alors, on va attendre de le voir dans des moments plus plus clés là, pour juger des gardiens comme... Les Bucks à Winnipeg. Les Bucks, c'est ça. Mais ils jouent au Canada. Au Canada, c'est quand dans ta ville, là, même si c'est pas Montréal, t'as une pression pareille. Mm. Quand t'es dans une équipe canadienne, là, c'est la passion la passion au Canada. Puis c'est pas la même chose que aux États-Unis, c'est certain. Ouais, OK. Dites-moi, Antti Niemi, vous avez parlé d'Antti Niemi. Vous feriez quoi avec? Il était en libre l'année prochaine, oui. Donc sans compensation, il va vraiment, là, il nous surprend, il joue très, très bien. Il fait mieux que Price, ça fait très bien. Pas mal, 953, son pourcentage d'arrêt. Là, le problème, c'est que c'est un beau problème dans le sens que on a fondé des espoirs en Charlie Lindgren, il a montré des belles choses, là, c'est un petit peu plus difficile pour lui dernièrement. Mais si on l'a signé pour 3 ans avec un one-way qu'on appelle, alors lui, il va faire le même salaire qui joue dans la Ligue nationale, la Ligue américaine. Mais c'est pas un gros salaire, c'est 750 000. Donc, il y a une chance. Là, moi, j'ai l'impression que, d'ici la fin de l'année, il faut qu'il finisse l'année fort. Si, une saison qui finit, plus ou moins bien, c'est certain que là, ça place Marc Bergevin dans une situation. Est-ce qu'on fait une offre à Antti? Ça aussi, ça peut être dans l'équation. Parce que je pense que à Montréal, c'est la tendance à leur hockey là, aujourd'hui. Là, ça te prend un bon deuxième gardien. T'as pas le choix. Le hockey, c'est très exigeant pour les gardiens maintenant. Là. Pas juste les collisions, mais les déplacements et tout ça. Alors, on voit beaucoup de blessures. Alors, des gardiens qui jouent 70 matchs, là, on voit pas ça souvent. Donc, c'est plus un gardien du bilan doit jouer 20 matchs. Quand on sait comment c'est difficile de faire les séries éliminatoires, le deuxième gardien de but très important. Alors, c'est certain. Puis Price arrive à la trentaine, donc peut être probablement plus suspect aux blessures. T'es plus fragile dans ces âges-là. Donc, ça prend un deuxième gardien de but de qualité, là. Est-ce que le rôle de Niemi, 34 ans, je pense que c'est, sa job, c'est pas mal plus facile pour un gardien de but. C'est fait pour un vétéran, le rôle de deuxième gardien de but. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui et non. C'est bon. Moi, je trouve que la situation idéale, c'est d'avoir... comme présentement, c'est d'avoir un excellent vétéran comme Carey Price qui a de l'expérience, puis qui peut transmettre ça à un jeune espoir. C'est sûr que là, l'âge de Price fait que c'est pas dans 2-3 ans qu'il va partir, là, à moins de ne sais jamais ce qui va se passer, mais normalement, il est là pour plusieurs années. Mais c'est que un jeune deuxième, tu le vois pas comme Lindgren. Bon, disons qu'il y a 2 ans pour s'établir comme un bon gardien de la Ligue nationale. Si après 2 ans, il est vraiment bon, ça va être difficile pour lui de rester à Montréal, toujours dans l'ombre de Price. Alors, à ce moment-là, c'est soit qu'il force la main pour une chance numéro 1 ou qu'il intéresse une autre équipe qui s'en va ailleurs. Parce que ce qui arrive, c'est très bon d'avoir un vétéran avec un jeune. C'est parce que ça aide le jeune à se développer. Un peu comme Matt Murray à Pittsburgh, avec Marc-André Fleury. Cette année, c'est un peu difficile pour lui parce que Fleury n'est pas là, mais ça fait partie de son apprentissage. Et là, ça, je trouve que quand un jeune qui a un bel exemple avec lui, là, je trouve que ça apporte énormément. Sauf que ça peut pas durer 6 ans, 7 ans. Là, à Vancouver, on a eu Schneider, Longo. On a retardé la graduation de Schneider. Ça l'a retardé un petit peu, mais il était vraiment aussi bon que Longo. Donc, à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose, puis qu'il y ait un gardien qui parte. Mais pour l'apprentissage, 1 an, 2 ans, là, je trouve que c'est l'idéal. Maintenant, Pittsburgh ont eu un jeune qui a très, très bien secondé Fleury, même qui a réussi à y revenir la place. Alors, c'est ça que tu veux un jeune qui va apprendre du vétéran, puis en même temps, va le pousser. Puis ça prend une bonne chimie aussi avec les deux. On sait que Fleury est un excellent parrain pour Matt Barry. Merci beaucoup, M. Moffat. Très intéressant pour parler de Carey Price. Donc, moi, en tout cas, j'ai sursauté un peu quand j'ai vu ça comme ben du monde. C'est l'écart, moi. C'est l'écart, moi, qui m'a fait. C'est pas qu'il devienne premier. Moi, je n'étais pas surpris parce que Carey Price a toute qu'une réputation dans les salles, mais c'est l'écart. 41% pour le premier, puis Carey était le deuxième ça. À 12%. Après ça, ça baisse beaucoup. Là. Ça baisse beaucoup, c'est les ça jeunes, qui m'a fait... Les vétérans encore, les jeunes ne sont pas là. Ouais, effectivement. Alors, mais là, si on refait le sondage aujourd'hui, ça peut être différent. Mais vous pourrez lire dans le journal demain, on en parle encore de Carey Price. Oui, il n'a pas fini de faire parler. Gilles Moffat du Journal de Québec et Montréal, gros merci, on s'en repart. Ça fait plaisir. Journal de Québec, Gilles Moffat.